l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Élise Chenu. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui de l'atelier Remue-Ménage qui œuvre à Bordeaux autour des questions de déménagement principalement, mais pas que, on va en parler, et notamment des déménagements à vélo. Alors qu'est-ce que vous faites à Remue-Ménage? Et puis peut-être d'abord commencer par qui est Remue-Ménage? Alors nous, l'atelier Remue-Ménage, on est une association qui propose un service de déménagement et de logistique sociale, solidaire, écologique en Gironde et en Aquitaine. Alors social, tout simplement, parce qu'on a des tarifs adaptés en fonction des ressources des personnes. Solidaire, puisqu'on est en fait un atelier chantier d'insertion depuis 2015. Donc on accompagne au jour d'aujourd'hui 26 personnes éloignées de l'emploi dans leur parcours socio-professionnel. Et écologique, parce qu'on a une flotte, on est équipé d'une flotte de camions biogaz. Et on a lancé depuis 2017 le pôle vélo sur la métropole bordelaise, avec un service de déménagement, mais aussi un service de livraison et de collecte à mobilité douce à vélo cargo. Donc un atelier chantier d'insertion qui... uniquement sur la ville de Bordeaux, on le comprend bien pour des questions de distance, propose de déménager à vélo. Alors c'est quelque chose d'assez rare. On peut difficilement imaginer déménager à vélo. Comment ça se passe? Alors oui, en effet, c'est assez rare. Nous, on s'est un peu inspiré des initiatives au Canada. Mais il en existe d'autres aujourd'hui en France, carton plein sur la région parisienne, tout en vélo sur Rennes et bien d'autres. Nous, on est les seuls sur le territoire. Alors comment ça se passe? Tout simplement, on est équipé de matériel adapté. On fonctionne avec des vélos électriques, des moustaches qui sont produits en France, dans le Jura. Et après, on a du matériel, donc des caissons pour mettre tout ce qui est plutôt carton ou lorsqu'on fait des livraisons, des collectes. Et on a aussi des plateformes qui peuvent accueillir jusqu'à 350 kilos. Et après, du matériel complémentaire, notamment des transpalettes. Voilà, on est vraiment de l'équipement sur mesure avec des vélos électriques, parce que sinon, je vous avoue que ça serait plus compliqué. On travaille avec une coopérative rennaise, donc qui s'appelle Tout en Vélo, qui fait aussi du déménagement à vélo, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui en fait a conçu du matériel adéquat, adapté pour le transport et le déménagement, puisque ça n'existait pas. Donc ils ont vraiment conçu le matériel. Nous, on travaille avec eux, puisqu'ils sont c'est des hommes de terrain qui font eux-mêmes du déménagement à vélo. Donc ils savent ce qu'il en est et c'est les plus adaptés pour concevoir le matériel adapté. Alors bien sûr, on ne va pas déménager un 150 m² à vélo. Il y a quand même, on va dire, c'est pas pour toutes les familles. Comment ça se passe? Qui vous contacte pour réaliser ce genre de déménagement écologique? Tout le monde peut faire appel à l'atelier Remue-Ménage. En effet, pour nos activités à vélo, on est sur la métropole bordelaise, parce qu'après, ça serait un petit peu plus compliqué d'aller à Blaye ou autre. Comment ça se passe? En fait, c'est pour... on va jusqu'à des 15 mètres cubes environ. On a déjà fait des 20 mètres cubes. Des fois, on se lance des petits défis et ça a marché parce qu'on a la chance aussi quand même d'avoir une belle flotte au jour d'aujourd'hui de vélo cargo. On est maintenant à 17, si je ne me trompe pas. Tout simplement, le vélo, il faut peut-être le voir pour le croire, mais des fois c'est bien plus, au-delà de la dimension écologique, c'est bien plus adapté que d'avoir un camion par exemple dans le centre-ville de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre finalement pas mal de choses dessus, et puis d'un point A à un point B, on évite les embouteillages. Nos vélos cargo, ils sont conçus pour pouvoir passer notamment déjà sur les pistes cyclables, mais même entre les poteaux, on circule, on peut se garer en bas de porte, donc c'est écologique, mais c'est aussi beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactif, on peut faire des allers-retours beaucoup plus facilement, et voilà, on a une belle flotte au jour d'aujourd'hui, donc ça permet d'être très efficace sur des déménagements. Donc c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs personnes de votre atelier chantier d'insertion qui font plusieurs trajets quand c'est des petites distances, c'est pas forcément tout en une fois, quoi. Tout à fait, ça peut être plusieurs distances. Alors des personnes dans notre atelier chantier d'insertion, mais qui sont aussi bien évidemment accompagnées par un chef d'équipe, un coordinateur technique. On a deux coordinateurs techniques sur le pôle vélo. Ils sont pas laissés à eux-mêmes sur des déménagements à vélo. D'ailleurs, salariés en insertion ou pas, moi si j'étais toute seule sur un déménagement, je préfère être accompagnée de professionnels. Donc oui, ils peuvent être plusieurs en fonction du cubage, en fonction des besoins. Ils peuvent très bien être deux, comme une équipe de 4, 5, ça dépend des besoins. La question que posait tout à l'heure une dame sur le stand, parce qu'ici, on est aujourd'hui à Bordeaux, au forum Solutions Solidaires. Donc vous présentez les activités de l'atelier Remue-Ménage au public. La question que posait la dame, c'est... est-ce que n'importe qui peut travailler chez vous? Est-ce que ça peut être des femmes? Est-ce que tout type de personne peut y travailler? Alors oui, à l'atelier Ruminage, on a donc du coup on a un atelier chantier insertion. Donc on a une équipe de permanents où là, bah, c'est du recrutement classique, mais on est aussi, on accompagne aussi des personnes en insertion où là, tout le monde peut travailler chez nous. Il n'y a pas de compétences ou il n'y a pas de profil type pour travailler chez nous. Il faut simplement, si la personne intègre notre atelier chantier d'insertion, être motivée, avoir un projet professionnel ou du moins vouloir travailler sur son projet professionnel. C'est vraiment la motivation qui va compter. Alors forcément, si la personne intègre notre chantier sur des postes d'aide des ménageurs, oui, bon, il faudra quand même avoir une certaine condition physique. Après, nous, notre objectif en lançant le pôle livraison, le pôle collecte, c'était aussi d'ouvrir notre atelier chantier d'insertion aux femmes, du coup sur des métiers moins physiques, mais quand même, quand bien même, c'est quand même du vélo toute la journée. Mais voilà, il n'y a pas de conditions pour intégrer l'atelier remue-ménage. Très bien, donc une façon de déménager écologique et finalement très pratique en ville, voilà, pour mieux circuler en ville. Pourtant, ce n'est pas forcément facile de circuler en vélo à Bordeaux, ou si, il y a pas mal d'aménagements et de progrès qui a été fait par la ville. Alors, on a la chance quand même déjà d'être sur un territoire quand même assez plat. Donc déjà, même au-delà des équipements, faut dire que ça s'y prête assez bien. S'il y a quand même des efforts qui ont été faits, notamment au niveau de l'aménagement des quais, il y a quand même des pistes cyclables. Nous, on va dire que quand même, à longueur de journée, nos livreurs, nos déménageurs à vélo, ça se fait. Après, oui, il peut toujours avoir des équipements et des infrastructures, des pistes cyclables adaptées pour nos activités qui peuvent être mises en place. Là, nous, on revient de Strasbourg, qui est une ville du coup très très vélo, une ville qui a fait vraiment beaucoup d'efforts pour aménager son territoire en termes pour faciliter les activités à vélo. Donc oui, il peut encore avoir des choses à faire, notamment nous, on mentionnait, là, on a des replaidoyers de Vélocité, on mentionnait notamment peut-être le manque d'arceaux pour attacher nos vélos. Des fois, on se retrouve, ben voilà, où est-ce qu'on va attacher nos vélos? À un arbre? Oh, c'est délicat. Des fois, ça peut... Mais bon, voilà, y a toujours, on peut toujours encore plus adapter la ville au vélo, mais ça va, nous, on s'y fait, ça marche plutôt bien. Vélocité, c'est un des acteurs importants sur Bordeaux qui œuvre justement à une ville plus cyclable. Vous travaillez avec eux? Oui, tout à fait, on travaille avec eux. On a participé à un événement à Bègles l'année dernière autour du vélo. On est en proximité avec eux tout simplement parce que on est un acteur de la vélogistique. On est plusieurs entrepreneurs. On est d'ailleurs quand même un bon collectif d'entrepreneurs à vélo sur le territoire bordelais. Du coup, forcément en lien avec Vélocité, mais voilà, il y a plein d'acteurs. Nous, on travaille beaucoup avec des plombiers à vélo. C'est chouette parce que voilà, c'est des nouveaux métiers qui se créent. Ça répond à des besoins, tant écologiques, mais aussi plus de proximité, de réactivité par rapport au bordelais. Donc non, on travaille beaucoup avec Vélocité. Vélocité, ce n'est pas uniquement à Bordeaux, c'est toute la métropole de Bordeaux. Et c'est important pour les municipales parce qu'il y a 28 communes. Ismaël, de Vélocité. C'est pour ça qu'on a créé un document, un plaidoyer, qu'on a envoyé, par contre, à tout le monde, avec 5 propositions très claires. 3 propositions initiales qui vraiment sont à niveau métropolitain, qu'elles dépassent les communes, et 2 propositions que c'est chaque commune qui peut mettre en place. Ce n'est pas en question de dangerosité, c'est en question aussi de pollution, de santé, parce que vraiment c'est des milliers de voitures. Je crois que j'avais entendu dire qu'il y avait 80 000 voitures qui traversent les boulevards tous les jours. Je ne sais pas si ces chiffres sont vrais ou pas, mais il y a tout un travail aujourd'hui sur ça. Ce n'est pas que pour les cyclistes, c'est les riverains, c'est les péatons, c'est tout le monde. C'est rendre la ville plus apaisée et plus vivable, quelque part. Alors nous, on a présenté cette deuxième proposition, justement, pour faire un boulevard dans lequel, à peu près, ça serait la continuation du quai de Bordeaux. En fait, faire un quai circulaire qui fait tous les tours de Bordeaux. Un périph' de vélo, un périph' de vie, en fait, parce que ça serait presque un ceinture cyclable, mais un ceinture péatonne, un ceinture écologique aussi, parce que, comme les quais, on demande à Bordeaux, il manque des arbres, il manque des espaces verts. Mais nous, on ne demande pas que des pistes cyclables, on demande des espaces de vie. Et vraiment, une piste cyclable, c'est très bien, mais si on est au milieu de l'autoroute, ça ne sert à rien. Voilà. notre plaidoyer, on a réussi, et c'est pour ça qu'on est content, je pense qu'on a réussi à aller au-delà du vélo, on va aussi dans un cadre de vie. Après, la proposition numéro 3, c'était une des choses aussi que souvent on a été rapprochés, c'était dire, ouais, voilà, mais vous pensez que les Bordelais. Et c'est vrai que la grande majorité des déplacements qu'il y a dans la ville de Bordeaux, c'est des gens de dehors de la métropole qui viennent vers les centres-villes. Et c'est vrai que c'est des personnes qui habitent à 20, 30, 40 km de son poste de travail, ils doivent venir travailler. Et c'est vrai, on ne peut pas dire, ah non, mais bah, tu quittes ton travail, hein, tu t'en vas. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, c'est pour ça que notre proposition numéro 3, il travaille sur la intermodalité. On travaille sur l'effet de la création des parkings relais voiture-vélo dans les entrées de la métropole, de la rocade, qui après fassent facilement les derniers 1, 2, 3 km à vélo, en transport en commun, pour arriver à son poste de travail. Mais surtout, c'est éviter que toutes ces voitures rentrent dans la ville, parce qu'il n'y a pas la place. Là, nous, notre proposition a été basée surtout dans l'observation qu'on a faite dans les pays du Nord, comme les Pays-Bas, dans lesquels on a observé qu'il y avait beaucoup de monde, donc en fait, c'est ça, laisser son vélo la nuit dans un parking sécurisé à un gare. Et elle faisait les déplacements entre la maison et cet parking en voiture, garer la voiture, et il faisait les 2, 3, 4, 5, 8 derniers kilomètres en vélo. Et après, on rentrait, laissait le vélo dans le parking à nouveau, prenait sa voiture pour faire les 15 derniers kilomètres en voiture, parce que là, évidemment, c'est faire tous les jours 40 ou 50 km à vélo, bah oui, il y a des gens, il y a des sportifs, moi ça ne me pose pas de problème, mais je sais bien que c'est pas adapté pour tout le monde. Notre quatrième proposition, c'est très important, c'est rendre la vie plus apaisée, c'est ce qu'on appelle les centres-villes apaisés. Comment dire, et on a imaginé, on a pensé, on a réfléchi sur le fait, mais pourquoi, c'est quoi la place de la voiture dans le centre-ville? Mais pourquoi il y a des voitures dans le centre-ville? En fait, le centre-ville, c'est un endroit dans lequel on vit, on sort à faire des achats, on sort à se balader, on va à l'école, on fait beaucoup de choses. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, il y a des voitures qui traversent la ville pour aller d'un point A à un point B, mais pas pour vivre à l'intérieur. En fait, simplement, on le traverse parce que c'est plus court. C'est vrai. Et si on suit les applications téléphoniques de Waze, il fait ça, en fait. Il est même dans l'espace le plus court. Mais sauf que dans cet espace plus court, il y a des gens qui habitent là. Il y a des enfants, il y a des écoles, il y a des commerçants, il y a des terrasses. Et là, à côté de chez moi, au centre-ville de Bordeaux, il y a une super place avec une super terrasse. C'est génial, sauf qu'il a la route à côté et sincèrement, on ne s'entend même pas. On prend un café avec un ami, on ne s'entend même pas. Bah, je ne m'assois pas dans cette terrasse parce qu'il y a tellement de voitures, tellement de bruit, tellement de odeurs que ce n'est pas possible. Alors, cette proposition de centre-ville APC, ça ne veut pas dire fermeture complètement à voiture, mais faire que les voitures ils sortent de certaines rues, certains quartiers et le rendre plus APC. Et la dernière proposition, c'est surtout avec les enfants. On veut que les candidats ils fassent du travail avec les enfants, avec les écoles, avec les lycées, parce que c'est la nouvelle génération vélo. On a créé un pacte d'engagement avec les candidats. Il y a certains qui sont décidés à le signer. C'est-à-dire, dans le moment qu'un candidat signe ce pacte d'engagement, il s'engage à mettre en place notre plaidoyer. Il ne s'engage pas à faire une bande cyclable ou une petite piste. Non, non, il s'engage à faire notre plaidoyer. Tout en entier. Il s'engage à aller faire les 5 propositions. Et en fait, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que comme nous, Vélocité à Bordeaux, comme association militante, notre plaidoyer ne se finit pas le 22 mars. C'est fini en 2026. Voilà, on va continuer, voilà, les personnes, on va frapper à la porte de la mairie en disant « Vous vous rappelez que vous avez signé cet engagement ?» Et on appellera la presse pour faire des bilans. Oui, ça s'est fait, ça s'est pas fait, et là c'est encore temps pour le mettre en place. Et on va faire notre travail de militant vélo, bien sûr. Thank you. C'est important, on peut pas, parce que sinon c'est très simple pour les cellules aussi de dire oui, je vais faire beaucoup de vélo, oui, je vais faire. Il est 22 mars, ah, j'ai oublié, ah, c'est pas possible, j'ai pas le budget. Oui, en fait, nous on a chiffré aussi, on a dit voilà, ça coûte à peu près ça. Et on a fait des calculs en disant voilà, et en relation avec Bordeaux Métropole, avec les coûts qu'il a en autoroute, les coûts qu'il a en tramway, en fait, notre plan qui est super ambitieux. Il en coûte à peu près de 400 millions d'euros. Pour un métropole, ce n'est pas énorme non plus. Et c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire. En plus, ce qu'on essaye de transmettre aux candidats, c'est qu'avec un plan ambitieux sur le vélo, on peut faire de Bordeaux un modèle de mobilité. Bordeaux, souvent, il dit « Ah non, mais Bordeaux, c'est une super ville, tout le monde veut venir habiter ici, c'est super joli, c'est touristique. » C'est vrai. Mais ici, on fait de Bordeaux un modèle. Mais un modèle pas uniquement avec les vannes et elles vont vivre, sinon elles vont vivre de vrai. C'est la mobilité de tous les jours, c'est les déplacements de tous les jours. C'est les gens qui disent « Ah non, mais je suis super content d'habiter ici. » En fait, j'ai des amis qui habitent à Copenhague ou qui habitent à Amsterdam et qui te disent « Ah non, mais Amsterdam, c'est génial. » Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux me déplacer à vélo, je peux faire plein de trucs. Et c'est un modèle, il a une certaine fierté. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit le Bordelais? Le Bordelais dit on est la troisième ville de France avec plus d'embouteillages. C'est ça que dit le Bordelais. Avec notre plan, notre proposition, notre plan de vélo, on a envie que ça change cette image de Bordeaux. Des déménagements à vélo, mais aussi, donc, comme vous le disiez, en camion qui roule au gaz, donc c'est plus écologique. Vous aidez au déménagement, en fait, pas uniquement dans la logistique. Vous aidez aussi de façon plus sociale les gens qui ont des difficultés. Vous les mettez en lien, par exemple, avec des financeurs. Tout à fait. En fait, la base de l'association, c'est quand même une dimension sociale, du déménagement social. Donc, on accompagne vraiment les personnes qui en ont besoin de A à Z dans leur déménagement, les informer des aides possibles. Nous, on est en proximité avec le Fonds Solidarité Logement qui attribue des aides pour réduire encore nos devis qu'ils ont déjà moindres, mais aussi des fois les CCS, les mutuelles, les caisses de retraite. Voilà, il y a des financements possibles en fonction de chaque situation. Donc nous, on informe, on fait le lien, on est aussi en proximité avec les travailleurs sociaux. On va même, nous, des fois, jusqu'au déballage des cartons, au réaménagement, à l'appropriation du quartier par la nouvelle personne, en l'informant des commerces et des services à proximité. Parce qu'un déménagement, c'est pas juste un transport d'un point A à un point B, c'est plein d'autres choses, c'est des repères, c'est des habitudes de vie. Et pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les personnes âgées. Et un accompagnement psychologique aussi. Hein. Tout à fait. Accompagnement psychologique, tout simplement, déjà en étant là, en écoutant la personne dans cette transition parfois qui peut être délicate. En fait, on a une assistante mobilité, Lola, qui accompagne les personnes qui en ont besoin de A à Z. Donc, toutes les étapes que je viens de vous citer, en fait, ça va être elle qui va être là à chaque étape. Et c'est important parce que pour la personne, pour le bénéficiaire, ça va être leur référente. Et voilà, étape par étape, après, on va prendre rendez-vous pour les démarches administratives et puis dans un second temps pour faire le tri, la mise en carton. Voilà, et ça va être la seule référente. Et on voit bien qu'à la fin de l'accompagnement, sur un mois et demi, bah, y a un lien qui s'est créé et que finalement, tout s'est passé facilement et voilà, que c'était plutôt un moment chouette. Vous collectez aussi des encombrants pour favoriser une seconde vie. Donc ça peut aussi se faire à vélo, j'imagine, la collecte. Et vous êtes en lien avec des acteurs de type recyclerie, ressourcerie. Tout à fait. En lançant du coup le pôle vélo en 2017, on a aussi lancé un service de collecte sur la métropole bordelaise. Donc notamment, on a répondu à un marché sur la collecte d'encombrants sur le centre historique de Bordeaux. On a un salarié à temps plein qui fait des maraudes sur le centre historique. Alors soit pour collecter des encombrants dont les citoyens ont... Voilà, j'habite à Bordeaux, j'ai un canapé dont je souhaite me séparer, mais bah, j'ai pas les moyens de l'amener en ressourcerie ou en déchetterie. Donc du coup, bah, la métropole propose de prendre en charge ce coût. Donc nous, on collecte et on redistribue aux filières de revalorisation. Après, nous, pareil, quand on intervient sur des déménagements et que les personnes souhaitent se séparer de biens, mais voilà, souhaitent... Bah, ils n'ont pas pu les vendre ou ils n'ont pas pu les donner à des proches. Nous, on les redistribue, on les amène directement vers R-Cube, qui est le réseau de réemploi de Bordeaux Métropole, qui a été créé par le collectif de bailleurs sociaux. Et en fait, qui après, eux, font directement le tri et renvoient les biens qui sont encore utilisables ou qui peuvent être réparés vers les réseaux de ressourcerie locales sur le territoire, dont l'atelier d'éco-solidaire avec qui on est particulièrement en lien. Ils ont une partie où ils réhabilitent les biens. Ils ont aussi une ressourcerie, enfin une boutique solidaire à petit prix. C'est super chouette. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ou leur site. Ils font plein de belles choses. Après, ça, c'est une partie de notre service de collecte. Mais on a tout un tas de services de collecte. On collecte aussi des invendus alimentaires au profit d'associations caritatives. On collecte aussi des cartons, notamment auprès des biocébons de l'ensemble de la métropole, parce qu'en fait, ils ont des cartons comme neufs, que nous, du coup, on est partenaire au jour d'aujourd'hui, on collecte leurs cartons, qu'on réutilise pour nos déménagements. Donc, ce qui fait qu'on est autosuffisant en carton, on achète zéro carton. Et lorsque les cartons ne sont plus... sont un petit peu abîmés, on les passe dans notre machine qui s'appelle un matelasseur et ça fait du papier bulle cartonné, donc on n'achète pas non plus de papier plastique. Et alors, donc pour si on revient sur la collecte des invendus alimentaires, comment ça se passe? Vous allez donc directement dans certains magasins, petits supermarchés? Oui, c'est ça, tout à fait. On va dans des supermarchés pour collecter des invendus où il y a eu des partenariats établis. On travaille notamment avec le CCAS de Bordeaux. En fait, ils ont des relais popotes. Ils se basent sur des associations locales. En fait, les relais popotes, c'est des lieux où il y a des cuisines, où des familles qui n'ont pas forcément de cuisine chez eux peuvent venir dans ces lieux cuisiner, partager un repas. Et donc, du coup, nous, on leur apporte des invendus alimentaires pour qu'ils puissent avoir des produits. On travaille aussi, on vient de lancer un projet avec la ville de Mérignac, où on collecte les invendus de leur cantine pour les redistribuer à un frigo anti-gaspi à la MJC CL2V sur Mérignac. Voilà, il y a pas mal de projets qui peuvent être mis en œuvre et c'est chouette. Tout ça à vélo, hein ? Tout ça à vélo. Tout ça à vélo. Nous, on est vraiment alors en Nouvelle-Aquitaine pour notre service de déménagement, donc avec les camions biogaz. Et sur la métropole bordelaise, avec déménagement, à camion s'il y a besoin aussi, si c'est des gros volumes, à vélo cargo et livraison à vélo cargo et collecte à vélo cargo. Il vous manque plus grand-chose, là, finalement, à collecter à vélo. Je vois plus que le compost. Et puis là, vous aurez fait la totale. Alors, pour les biodéchets, il y a les détritiveurs sur la métropole. Donc, voilà, chacun ses compétences et son job. Mais oui, en effet, mais en fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites à vélo. Donc, autant en profiter. En plus, je suis persuadée qu'au-delà de la dimension écologique et pratique, moi, si j'avais à choisir être dans un camion et faire toutes mes activités enfermées dans un camion à longueur de journée ou être à vélo cargo, bon, d'accord, il y a la pluie, mais bien équipé, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc vraiment, oui, il peut avoir des freins, quelques freins, mais non, il y a tellement d'avantages et c'est tellement pertinent comme projet au jour d'aujourd'hui. Il faut que ça évolue vers cela. Quand on pense que la livraison au dernier kilomètre, ça coûte très cher économiquement et aussi environnementalement. Que les villes comme Bordeaux, les grandes métropoles de France, à un bout d'un moment, elles seront certainement fermées aux camions. Il y aura des horaires bien précis de livraison. Bah, il faut trouver d'autres alternatives et le vélo s'y prête très bien. Pour la collecte des encombrants, en fait, vous les collectez, vous les redirigez quand ils sont en bon état vers les acteurs du réemploi, les recycleries, ressourceries. Mais sinon, sinon, est-ce que vous avez des liens aussi avec les déchetteries? Oui. Bah, par exemple, pour la... Alors, pour... quand nous, on récupère des biens, des meubles sur nos déménagements, on les redistribue, on va directement à Aircube pour que ça puisse être redistribué aux ressourceries. Par contre, pour la collecte dont on branche sur le centre historique, là, on vend directement en déchetterie, tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de le mettre directement dans la filière des ressourceries parce qu'il y a peut-être un risque de nuisible. Donc là, c'est trop délicat. Donc là, on va directement en déchetterie. Ça permet de désencombrer quand même la ville de tous ces encombrants parce que je ne sais pas si les personnes qui vont m'écouter ont l'habitude de se promener sur Bordeaux ou même autre. Hein, dans les villes, il y a quand même beaucoup d'encombrants et qui sont laissés des fois en dépôt sauvage. Ça peut même être un risque pour moi, je pense aux personnes déficientes visuelles. Moi, je trouve souvent des périples dans mon parcours à pied. Je me dis que ça ne doit pas être évident. Donc voilà, ça permet quand même de désencombrer la ville des dépôts sauvages ou autres et de les renvoyer directement en déchetterie. Mais oui, là, malheureusement, on ne peut pas les envoyer directement vers les ressourceries parce qu'il y a des risques de sanitaires et notamment avec les nuisibles. Mais alors, la question que je me pose en entendant ça, c'est que d'habitude, en fait, les encombrants, c'est plutôt géré par les collectivités directement, par des régies municipales ou enfin des services municipaux. Est-ce que ce n'est pas une façon quand même de travailler avec un atelier chantier d'insertion comme le vôtre, c'est super ce que vous faites. Est-ce que ce ne serait pas une façon quand même de la part de la collectivité de se décharger d'une partie de son travail? Alors oui, je comprends tout à fait. Alors, faut dire que sur cette partie de propreté du centre-ville, c'est vraiment expérimental hein, sur le centre historique avec l'atelier remue-ménage. Sinon, tous les autres quartiers de Bordeaux sont gérés en effet par la collectivité. Donc là, c'est une façon expérimentale de tester de nouveaux modes de collecte des encombrants. Donc, je veux dire que l'on trouve ça vraiment chouette parce que ça permet de favoriser au-delà de la collecte une démarche écologique avec nos vélos cargo, aussi l'insertion. Donc c'est aussi important qu'il y ait des partenariats comme ça entre collectivités et acteurs privés associatifs qui agissent pour le territoire. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que pour eux, je pense qu'ils sont, je l'espère, mais satisfaits du travail de l'atelier remue-ménage. Ça leur permet aussi de s'ouvrir à des manières innovantes de procéder et d'avoir quand même, par l'intermédiaire de notre action, un impact sur le territoire de création d'emplois, d'actions écologiques parce que si au lieu de collecter à camion, on a quand même une empreinte moindre sur l'environnement. Donc nous, on voit plutôt ça d'une manière positive. Mais oui, ils ont quand même nous, on n'est qu'un petit quartier, que quartier historique, et eux, ils s'occupent encore de l'ensemble des autres quartiers de la métropole. D'accord. Donc on voit bien l'intérêt de se faufiler à vélo dans le quartier historique, dans les petites rues, pour effectivement aller plus facilement collecter ou permettre aux gens de déménager. D'accord, très bien. Eh bien, super, merci beaucoup. Donc, Élise Chenu de l'atelier Remue-Ménage. Donc, on peut aller regarder un peu ce que vous faites et pourquoi pas égrener ces bonnes idées un peu partout. Vous faites partie d'un réseau d'ailleurs, peut-être ? Oui, alors on est bien sûr adhérent à la CRES, à la Fédération des acteurs de la solidarité. On est aussi adhérent du collectif Les Boîtes à Vélo France. C'est un collectif d'entrepreneurs à vélo sur toute la France. On n'a pas encore l'antenne ici en Gironde, à Bordeaux, mais on est quand même un collectif d'entrepreneurs très, très présent sur le territoire, d'ailleurs qui se retrouvent tous demain au FUB. Bien sûr, il y a d'autres initiatives aussi qui émergent partout en France autour du vélo et c'est super chouette. Je vous invite à aller voir notre site, on est très présent sur les réseaux sociaux et de voir toutes les démarches à vélo cargo qui existent sur notre territoire, que ce soit surtout sur la métropole bordelaise. Il y a des plombiers, il y a des ostéos à vélo, il y a vraiment plein d'initiatives qui se créent et soyez curieux, vous pouvez aller voir. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.